Maximal, le drop a right, right as kill on the mic, on the mic, on the mic, on the mic. Je monte en live, pas de répétition. Un seul bouton, je fous l'explosion. Mon groove est brutal, ma voix percute. Et si tu lag, frère, c'est que je t'ai mis en chute. Les viewers s'alignent comme des beats en guerre. Ma team me suit, même dans l'enfer. Rider skill monte, t'as vu le score. Chaque stream est une rave hardcore. Drop the stream, light it up. Bass go boom, no backing up. Rider skill, full power up. We don't chill, we blow shit up. Drop the stream, light it up. Bass go boom, no backing up. Rider skill, full power up. We don't chill, we blow shit up. Mon beat traverse tes écouteurs et mes mods dansent comme des poseurs. Twitch me craint, les streamers me matent et mes subs crient quand je sors le bat. Rider skill live dans les enceintes, c'est l'apocalypse, version teintée. Drop the stream, light it up. Wave go wild, crowd jumping up. Rider skill don't give a fuck. He breaks the net, overloads the club. Drop the stream, light it up. Wave go wild, crowd jumping up. Rider skill don't give a fuck. He breaks the net, overloads the club. Mettez vos casques. Le dernier drop va tout raser.